Il existe des escrocs de l'histoire, des personnages qui ont triché avec la vérité historique et qui ont tellement tordu le cou aux faits et aux événements qu'ils ont fait de leur vie une légende. Bref, de faux héros et de vrais affabulateurs, souvent aidés par des historiens peu scrupuleux ou des journalistes qui préfèrent l'historiette à l'histoire. Scorzeny est-il l'un de ces escrocs de l'histoire? Monsieur X semble le croire. Et il va bientôt nous en faire la démonstration. Otto Scorzeny, le chef des commandos de Hitler, le libérateur de Mussolini, le personnage qu'on a présenté après-guerre comme l'homme le plus dangereux du monde parce qu'on le prétendait lié à de nombreux mouvements terroristes et trafiquants d'armes, parce qu'on soupçonnait sa présence derrière la plupart des coups tordus commis dans ces années troubles. Parce que cet aventurier était généralement considéré comme le meilleur spécialiste des coups de main. Scorzeny, qui n'hésitera jamais à parader, accorder avec complaisance des interviews et affronter les caméras de télévision, Scorzeny, qui n'a jamais renié son passé nazi, et qui devait sans doute considérer, comme d'autres, que les chambres à gaz n'étaient après tout qu'un détail de l'histoire. En effet, quand il a exprimé publiquement des regrets, ça a été seulement pour déplorer que Hitler ait été entouré de traîtres. Monsieur X, que j'ai retrouvé cette semaine après cette longue parenthèse des vacances, ne nourrit, lui, aucune complaisance pour l'ancien officier de la Waffen-SS. Bien au contraire. Dans un instant, après cette première pause musicale, la vérité sur Otto Scorzeny. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. On ne prête qu'aux riches, n'est-ce pas? Bien sûr. Eh bien, je vous assure qu'on a beaucoup prêté à Otto Scorzeny, bien plus qu'une simple vie pouvait contenir. Oui, mais d'accord, mais enfin, on peut quand même pas lui retirer son coup d'éclat lorsqu'il a libéré Mussolini, non? Croyez. Moi, je n'en suis pas très sûr. D'autant plus important que c'est à partir de cette affaire spectaculaire que Scorzeny est devenu Scorzeny. Vous voulez dire qu'il a bâti sa légende sur cette affaire? Oui. L'enlèvement de Mussolini, c'était, si je puis dire, son fonds de commerce. Ouais, vous exagérez un peu, là. Oh, pas du tout. Scorzeny a raconté ses exploits au cours de dizaines d'interviews. Il a même pris soin de les écrire lui-même dans un livre de mémoire. Après tout, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ouais, d'ailleurs, vous-même... Je vous en prie, ne me comparez pas à Otto Scorzeny. Ce serait désobligeant. J'ai l'impression que vous ne l'aimez pas, celui-là. Hein? Absolument. Et puis d'abord parce que c'était un nazi, un vrai nazi. Peut-être même ce qu'il y avait de plus authentique chez lui. Vous parlez de lui au passé, il est mort il y a longtemps? Au milieu des années 70, un cancer, je crois. Bon, avant d'en venir au récit de ses aventures, hein, réel ou pas, quelques mots sur l'homme, là, d'où venait-il? D'Autriche. Mais il a toujours prétendu qu'il était un vrai, pur allemand, puisque sa famille, semble-t-il, était originaire de Poméranie. Enfin, peu importe. Le culte de la race était, n'est-ce pas, une spécialité nazie. Et Scorzeny ne pouvait y acheter. Oui, mais il était de nationalité autrichienne, quand même. Et citoyen du Troisième Reich après l'Anschluss, c'est-à-dire l'unification forcée de l'Allemagne et de l'Autriche. Mmh. Est-ce que Scorzeny était un militaire d'origine? Pas du tout. Il était ingénieur, spécialisé dans les moteurs diesel. Mais c'est très important. Avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir et donc bien avant l'Anschluss, Scorzeny devient membre du parti nazi et bientôt il rejoint les rangs des SS. Ah, donc c'est un convaincu. Oh, tout à fait, ouais. Un antisémite fervent. Mmh. Et alors l'armée, ça vient quand? Au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, Scorzeny est mobilisé. Il est alors sergent dans les Waffen-SS. Les Waffen-SS, c'est-à-dire une unité combattante d'élite. Hein. Mais en marge de l'armée. Ouais. En fait, vous le savez, les Waffen-SS sont plus des policiers que des vrais militaires. Ouais, et des policiers qui vont accomplir le sale boulot. Oui, mais cette unité va toutefois être engagée dans tous les secteurs difficiles où elle va multiplier les exactions et les crimes de guerre. Il ne faut pas l'oublier, ce qui jette quand même un éclairage pas très ragoûtant sur ce personnage. Appartenir à la Waffen-SS, c'est un choix, c'est une profession de foi. Une question, vous l'avez déjà rencontré? Dieu merci, non. Mais j'ai connu beaucoup de gens qui l'ont fréquenté, parfois des individus inattendus. Mais n'allons pas trop vite. Il me semble me souvenir que physiquement, c'était aussi un personnage impressionnant. Hein? C'est juste. Scorzeny était un géant, presque 2 mètres, et un visage tailladé. Une blessure de guerre? Pas du tout. Sa célèbre balafre était due à un duel tel que ceux que les étudiants allemands livraient pour prouver leur virilité. Ah oui, d'accord. De l'enfantillage. Mais Scorzeny était très fier de sa cicatrice. Décidément. Eh oui, que voulez-vous? Moi, j'ai des convictions. Et je ne suis pas de l'avis de tous ces anciens militaires alliés qui ont reconnu dans leur adversaire Scorzeny un compagnon d'armes sous le prétexte qu'il s'était bien battu. Non. Pour moi, Scorzeny était d'abord un nazi, un SS. Je vais vous dire, quand Scorzeny s'est fait cravacher par un ancien résistant à la sortie d'un studio de la télévision française, j'ai été très satisfait. Et j'avoue que j'ai regretté de ne pas l'avoir fait moi-même. Ah, mais je crois qu'on a compris, là. Hein? Donc, sergent dans la Waffen-SS au début de la guerre, hein, c'est ça? C'est assez modeste, quand même, non? Bon, si vous voulez parler du grade, oui. Mais Scorzeny était un ambitieux. Et après avoir combattu sur différents fronts, il tombe opportunément malade. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Souffrant, il quitte alors le front et on lui confie la formation et l'entraînement d'une unité spéciale près de Berlin. Unité spéciale, de quoi s'agit-il? De créer des commandos un peu semblables aux SAS britanniques, c'est-à-dire des équipes chargées des missions spéciales. Par exemple, des raids sur les arrières de l'ennemi. Et pour Scorzeny, c'est une promotion, hein? Incontestablement. Et d'ailleurs, de sergent, il devient peu à peu capitaine. Mmh. Et ces commandos-là, vont faire la preuve de leur efficacité? Autant que je puisse le savoir. Ils ont en effet mené des actions dans les Balkans, en URSS et au Proche-Orient. Mmh. Donc là, Scorzeny ne bluffe pas? Je ne crois pas, non. Mais il ne va pas tarder à prendre quelques petits arrangements avec la vérité historique. Arrive l'été 1943. Les Alliés débarquent en Sicile en juillet et les choses commencent à bouger en Italie. Oui, contre Mussolini. Bien sûr. Le roi, Victor Emmanuel III, qui s'est jusqu'alors parfaitement accommodé du régime fasciste et de l'alliance avec l'Allemagne nazie, se rend soudain compte qu'il y a le feu à la maison et que bientôt l'Italie entière sera conquise. Mais par conséquent, il envisage de changer de camp. Naturellement. Mais il faut d'abord se débarrasser du Duce. Fin juillet, le Grand Conseil fasciste se réunit à Rome. Et, surprise, Mussolini est mis en minorité. Une révolte? Oui, et lorsque le dictateur vient rendre compte au roi, celui-ci le fait arrêter et charge le maréchal Badoglio de former un nouveau gouvernement. Mussolini est donc prisonnier. Mais on ne sait pas où il est détenu. Le secret est gardé parce qu'évidemment, les nouveaux dirigeants ont peur que les partisans du Duce ne viennent le délivrer. La suite, vous la connaissez. Rappelez quand même. Hein. Dès le début du mois de septembre, le gouvernement de Badoglio annonce la capitulation sans condition de l'Italie. Mm-hmm. Mais Hitler, vous le savez, a pris les devants. L'armée italienne est désarmée et les troupes allemandes occupent désormais la plupart des places stratégiques en Italie. Mm-hmm. Et Mussolini... Il est introuvable. Et Hitler enrage. car il veut absolument le remettre en selle afin que les militaires fascistes continuent à combattre aux côtés des nazis. Et dès qu'il apprend que le Duce a été démis et arrêté, il va tout mettre en œuvre pour le récupérer. C'est là qu'intervient Schwarzenegger. En principe, oui. Pourquoi en principe? Parce qu'il s'est attribué plus tard la gloire d'avoir réussi à libérer Mussolini, mais les choses sont beaucoup plus compliquées et sensiblement différentes. J'ajoute même que certaines des initiatives de Schwarzenegger ont failli compromettre cette mission. Mais que voulez-vous? Hitler avait besoin d'un héros. Et Schwarzenegger était taillé sur mesure pour jouer ce rôle, même si c'était une construction parfaitement fallacieuse. Quelle a été exactement la contribution de Schwarzenegger dans la libération de Benito Mussolini en septembre 1943? Nous allons le voir dans un instant avec la suite du récit de Monsieur X. Auparavant, voyons, selon Schwarzenegger lui-même, comment cette mission lui a été confiée par Hitler en personne. Un beau jour de juillet 1943, Schwarzenegger et plusieurs autres officiers, la plupart étant plus gradés que lui, sont convoqués au quartier général du Führer. Pourquoi? Il ne le sait pas. Les militaires résument les uns après les autres leur carrière. Puis Hitler demande « Qui connaît l'Italie ?» Schwarzenegger est le seul à avoir visité ce pays. D'autre part, autrichien, il garde rancune aux Italiens qui ont annexé le Tyrol du Sud. Pour ces deux raisons, le chancelier remercie les autres officiers et garde le capitaine auprès de lui. La suite, c'est le propre récit de Schwarzenegger paru dans un livre des éditions Gallimard intitulé « L'aventure est finie pour eux ». L'officier SS parle d'abord de l'impression que lui a faite Hitler. Hitler, qu'il voyait pour la première fois. Il me parut de taille moyenne, déjà voûté. Il s'animait de façon extraordinaire en parlant. On aurait dit que la vie entrait en lui quand sa voix s'élevait. Il semblait ressentir profondément, charnellement, ce qu'il disait. Par exemple, il avait commencé un long exposé de la politique germano-italienne. Quand il en arriva à l'arrestation de Mussolini, mon allié, mon ami, le plus grand de tous les Italiens, le dernier Romain, il était en colère. Il criait presque « Je le sauverai, il ne faut pas que les traîtres puisse le livrer aux alliés. Je vous charge donc de cette mission. Soyez persuadés que son issue heureuse sera d'une portée incalculable pour le déroulement des opérations militaires à venir. Ne reculez devant aucun effort, n'ayez peur d'aucun risque. Alors, j'en suis sûr, vous réussirez. Scorzeny, je vous charge de sauver mon ami. Scorzeny, l'homme providentiel, donc. Voyons maintenant la version de M. X. Dès qu'il avait appris la démission forcée de Mussolini et son arrestation, Hitler avait donc décidé qu'il lui fallait absolument s'assurer de la personne du Duce. Mmh. Mais encore fallait-il découvrir où il se trouvait emprisonné. On n'en avait aucune idée. Non. Et d'ailleurs, certains prétendaient même qu'il avait purement et simplement été liquidé. Oui, physiquement liquidé, vous voyez. Oui. Et en réalité, Mussolini avait d'abord été conduit sous bonne garde dans une île, l'île Ponza, au large de Naples. Puis il avait été transféré dans le plus grand secret en Sardaigne. Et de là, il était reparti pour le continent. Les autorités lui avaient trouvé comme prison un nid d'aigle dans un massif situé au nord-est de Rome, le Grand Sasso, à plus de 2000 mètres d'altitude. Un hôtel qui ressemblait à une véritable forteresse. Oui, donc très très difficile d'accès. Bien sûr, puisqu'on ne pouvait parvenir au Grand Sasso qu'en téléphérique. Mais je vous l'ai dit, la première difficulté, c'était de découvrir l'endroit où était détenu le Duce. Et Scorzeny, qui a été chargé de cette opération de renseignement, va réussir, après plusieurs semaines d'enquête, à localiser Mussolini. Et comment il procède ? Scorzeny a pu peu à peu reconstituer l'itinéraire du Duce. Puis des écoutes radio ont abouti à une localisation définitive. Mais il restait à étudier un plan d'attaque. Mmh. J'imagine que monter à l'assaut en téléphérique n'était pas très réaliste. Mais bien évidemment, il fallait donc trouver autre chose. D'autant que là-haut, il y avait plus de 150 carabiniers. Mais les Allemands vont avoir une idée tout à fait ingénieuse. Vous dites les Allemands, là, mais qui exactement, là ? Comme vous le savez, Otto Scorzeny s'est attribué plus tard la paternité de ce coup d'éclat. Exactement, oui. Mais en fait, il n'était qu'un des participants parmi d'autres. En fait, le commandement était assuré par Student, un général d'aviation. Hitler l'avait choisi parce que Student avait sous ses ordres des divisions de parachutistes. Donc c'est pas Scorzeny qui commande ? Non, pas du tout. N'oubliez pas que ce n'est qu'un simple capitaine et un capitaine de SS. C'est-à-dire que les militaires traditionnels le prennent pour ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire une sorte de flic. Ouais, c'est pas le grand amour entre ces militaires et la SS. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez dit que Student là, avait été choisi parce qu'il commandait des parachutistes. Hein. Alors, on peut penser que des hommes vont être parachutés au cours de l'opération ? Non, c'était trop risqué à une telle altitude et dans un massif montagneux. Alors Student, après avoir étudié des photos aériennes des lieux, va imaginer autre chose. Devant l'impressionnante masse de l'hôtel, il existe une petite prairie. Et le général allemand se dit qu'on doit pouvoir y poser des planeurs. Hmm. Pardonnez-moi, moi j'y connais rien en stratégie militaire. Ben, ça me paraît ça au moins aussi risqué qu'un parachutage. Risqué certainement, et Student sait dès le départ qu'il y aura forcément de la casse. Mais les planeurs permettent en un seul vol d'emmener 10 hommes, un vol silencieux. Et Student prévoit l'utilisation simultanée de 10 planeurs. 10 fois 10, 100 hommes donc. Oui, ouais. La plupart sont des parachutistes aguerris, des hommes qui ont l'habitude des actions en commando. Il y a aussi quelques Waffen-SS et un général italien de carabiniers demeuré fidèle à Mussolini. Et lui, qu'est-ce qu'il fait dans l'aventure ? Il doit convaincre les carabiniers qui gardent le Duce de ne pas opposer de résistance. Et Scorzeny, il fait partie du voyage ? Oui. Il va s'embarquer avec ses SS. Et comment ça se passe alors ? Attendez, j'ai oublié un point très important. Le plan qui a été établi par Student prévoit aussi qu'un convoi motorisé prendra d'assaut au même moment la gare de départ du téléphérique, qui permet donc d'accéder au Grand Sasso. Mmh. Alors comment ça se passe ? Eh bien, pas trop mal, malgré Scorzeny. Malgré Scorzeny, expliquez. Les planeurs, remorqués par des avions Henkel, décollent près de Rome. Ils doivent parcourir plus de 100 km avant d'atterrir au Grand Sasso. Ils doivent surtout éviter les avions alliés qui pilonnent les troupes allemandes regroupées autour de Rome. Mais le vol se déroule sans encombre. Le Grand Sasso est en vue, et au moment où les avions remorqueurs libèrent les planeurs, les pilotes découvrent la prairie située devant l'hôtel. Oui, ils vont se poser. Oui, mais Scorzeny alors enfreint les ordres et il demande à son pilote d'atterrir le premier. Le premier, pourquoi ? Le souci de la gloriole, sans doute. Et aussi la volonté de prouver la suprématie de la SS sur l'armée. En tout cas, le résultat, c'est que cette manœuvre de dernière minute gêne le pilote du planeur qui devait se poser le premier, et celui-ci termine sa course dans les rochers. Et joli résultat, en effet. Ce n'est pas fini. L'assaut lui-même se déroule sans difficulté. Les para-allemands bénéficient de l'effet de surprise, et les carabiniers italiens déposent les armes sans avoir tiré un coup de feu. Aucun n'a résisté ? Aucun, non. N'oubliez pas que dans l'un des planeurs se trouvait un général italien. Donc Mussolini, ça y est, il a libéré. Oui. Et dans quel état se trouve le Duce après toutes ces semaines d'emprisonnement ? Mussolini avait maigri, mais il était en bonne forme. Je pense que c'est surtout son orgueil qui avait pâti plus que son organisme. En outre, ses conditions de détention n'étaient nullement draconiennes. Ses premiers mots auraient été, paraît-il, « Je savais que mon ami Adolf Hitler ne m'abandonnerait pas. » Bien sûr, vous ne garantissez pas l'authenticité de cette phrase historique. Non, elle m'apparaît plutôt comme fabriquée après coup par la propagande nazie, mais peu importe. Maintenant, il faut organiser le départ de Mussolini. Il y a le téléphérique, puisqu'en principe, les para-allemands se sont emparés de la gare de départ. C'est juste. Mais les Allemands, Scorzeny en tête, choisissent une autre solution, l'avion. Il n'y a que des planeurs là-haut. Non, un petit avion. Avec à ses commandes, le pilote personnel de Student parvient à se poser. On y fait monter Mussolini et là encore, Scorzeny s'impose. Il exige d'accompagner le Duce. C'est toujours la gloriole ? Oui, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Scorzeny est malin. Peut-être même a-t-il des ordres. C'est la Waffen-SS qui doit recueillir tous les lauriers. La Waffen-SS qui est en quelque sorte le bras armé de Hitler. Par conséquent, il bouscule un peu le pilote de Student et monte dans le petit avion. Au risque bien sûr de l'alourdir et de rendre le décollage encore un peu plus délicat. Ouais, c'est quand même assez téméraire tout ça. Oh mais je n'ai jamais dit que Scorzeny n'était pas courageux. Faussaire, menteur, oui. Mais lâche, non. D'accord, et le vol se déroule comment ? Le décollage, comme on pouvait s'y attendre, est périlleux. La piste est trop courte, l'avion trop lourd, et le pilote doit plonger dans le vide afin de prendre assez de vitesse. Et l'atterrissage n'est pas moins acrobatique, car le train a été endommagé au décollage. Mais le pilote est très doué, et Mussolini et Scorzeny arrivent sans trop de mal à Rome. Et qu'est-il prévu ensuite ? Mussolini est aussitôt embarqué sur un autre avion allemand. La destination ? L'Allemagne, bien sûr. Et plus précisément, le quartier général du Führer. L'opération strictement militaire est terminée. Maintenant, il s'agit d'orchestrer ce succès pour la plus grande gloire de Hitler. Et celle de Scorzeny, naturellement, car Otto Scorzeny est monté dans le bombardier qui emporte Mussolini. Et c'est en libérateur audacieux qu'il va arriver au QG du Führer. Imagine Debussy. Born just outside Paris on the 22nd of August, 1862. Le 13 septembre 1943, dans l'après-midi, la radio allemande diffuse un communiqué spécial. Un détachement de parachutistes allemands, en liaison avec une unité SS, a libéré en une audacieuse opération d'attaque le Duce, qui avait été assigné à résidence par la clique de Badoglio. Les forces de sécurité ont été maîtrisées et faites prisonnières, nos pertes sont légères, le Duce a repris ses fonctions officielles. Albert Merklen, un général, docteur en histoire et spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, a publié un article en 1993 dans la revue Historia sur la libération de Mussolini. Il écrit « L'appareil de propagande nazi se mit alors en route. Comme de nos jours, la publicité commerciale lance et soutient une lessive ou des chaussettes, les affirmations péremptoires et déformant la réalité, répétitive et lancinante, enfonçant le clou de la réclame dans la tête des consommateurs, la radio et la presse de Goebbels, le grand maître de la propagande nazie, mirent en valeur cette opération hardie, si remarquablement exécutée, grâce à Skorzeny. Si je vous ai bien suivi, Skorzeny s'attribue donc toute la gloire de l'opération. Au mépris de la vérité historique, oui. D'accord, mais Skorzeny n'était pas seul au Grand Sasso, et le général Student qui avait monté toute l'opération pouvait légitimement revendiquer ce succès et rétablir la vérité. Peut-être. Mais Student n'était pas un SS, et puis il n'avait certainement pas envie d'en découdre avec les plus hautes autorités du Reich. Et les autres officiers présents, là? Certains ont renaclé, ont crié à la supercherie, mais c'était Hitler lui-même qui avait donné le « là » et qui avait fait de Skorzeny un héros. Pour le récompenser, il lui a même remis une des plus prestigieuses décorations allemandes en le faisant chevalier de la Croix de Fer. À partir de ce moment-là, il devenait extrêmement dangereux de protester, car c'était s'attaquer au Führer en personne, vous comprenez? Donc tout le monde s'est tu. À peu près, oui. D'autant que les hommes qui avaient participé à l'opération du Grand Sasso n'avaient pas le temps de contredire Skorzeny. Eux, ils étaient au front pendant que Skorzeny, lui, paradait. Il faut dire que très vite, Skorzeny est devenu une sorte de vedette de l'hitlérisme. Une vedette, là? Vous n'exagérez pas un peu? Ah, pas du tout. Ce type avait tout pour lui. Sa taille, sa carrure, son visage balafré et un bagout certain. On le voyait partout. Aux actualités cinématographiques, dans les réceptions, chez Göring et bien sûr dans l'entourage du Führer. Skorzeny était devenu l'homme à la mode. Et bien sûr, à chaque fois qu'il racontait ses exploits et il ne se faisait jamais prier, il en rajoutait chaque fois un peu plus. Vous voulez dire qu'il inventait, quoi? Bien sûr. Il devenait prisonnier de son propre personnage. Et au fond, comme beaucoup d'affabulateurs, peut-être même finissait-il par croire qu'il était le seul, l'unique libérateur de Mussolini. À l'appui des propos de M. X, je peux à nouveau citer Albert Merglen. Dans ses écrits parus plusieurs années après la guerre, Skorzeny, sans gêne aucune, s'attribua tout le mérite de la libération de Mussolini, se présentant comme celui qui en aurait été spécialement chargé et en aurait commandé toute l'exécution. Les termes employés sont sans ambiguïté. Je mis en ligne un bataillon de parachutistes. Je dirigerai personnellement toute l'opération. Je dus donner toutes instructions aux pilotes et chefs de groupe. Je prends le commandement jusque sur l'objectif. Je donnais l'ordre aux parachutistes de monter par le téléphérique. Je donnais mes instructions pour la retraite. Le chef d'état-major du corps parachutiste, déclarant une opération par planeur techniquement irréalisable, c'est lui, Skorzeny, qui en aurait convaincu ses interlocuteurs de la Wehrmacht, s'occupant d'ailleurs des différents détails de préparation et exécution. Tout ceci, en réalité, est de l'affabulation pure et simple. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la légende de Skorzeny s'est poursuivie longtemps après la fin de la guerre. L'officier SS est devenu pour tous les nostalgiques du Troisième Reich, ou ceux de la collaboration, une sorte d'image d'épinal, le symbole du combattant nazi, sans peur et sans reproche. Après tout, on a les héros qu'on mérite. Oui, je veux bien, oui. Mais quand même, après la libération de Mussolini, Skorzeny ne s'est pas contenté de parader. C'est juste. Alors comme la propagande en avait fait une sorte d'archétype du baroudeur, il a bien fallu lui confier quelques missions correspondant à sa légende ou à ses capacités, comme vous voulez. Et quoi, par exemple? Bon, je vais rester volontairement flou, parce qu'avec Skorzeny, il est toujours difficile de démêler ce qui ressort de la vérité ou de l'invention. Ouais, allez-y quand même, ça fait un moment que j'ai compris quels étaient vos sentiments pour le personnage. Eh bien, il a été question d'une tentative d'enlèvement du maréchal Pétain. Pétain? Pour quelle raison? Hitler, méfiant, aurait souhaité l'avoir près de lui. Une sorte d'otage? Voilà, mais l'opération aurait été décommandée au dernier moment, à la fin de l'année 1943. Je vois que vous n'y croyez guère. Non, et puis je vais vous donner une bonne raison. Dans ses mémoires, Skorzeny évoque cette mission. Et il prétend qu'il s'est rendu à Vichy avec ses hommes et qu'il a, entre autres, pris contact avec l'entourage de l'amiral Darlan. Or, à cette date, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps, l'amiral Darlan est mort depuis un an. Bidonnage, donc. À vous de juger. Notre mission? Deux, oui. Et toutes les deux à moitié ratées. Parlons de la première. À l'automne 1944, Skorzeny est convoqué par Hitler. Car naturellement, il ne reçoit ses ordres que du Führer en personne. Quand on est un héros, n'est-ce pas, hein? Oui, enfin bon. Donc Hitler lui confie une mission urgente. Le régent hongrois, l'amiral Horthy, est en train de trahir. Il aurait pris des contacts avec les soviétiques, donc il faut l'enlever. Décidément, c'est un spécialiste des enlèvements. Ou plutôt des projets d'enlèvement. Alors Skorzeny se rend à Budapest et il constate que l'amiral Horthy est puissamment protégé. L'enlever par la force, difficile. Skorzeny choisit donc de s'attaquer au fils du régent, qui est un joyeux bambocheur. Et Skorzeny et ses hommes parviennent sans difficulté à s'emparer de Nicolas Horthy. Enroulé dans un tapis, le fils du dictateur hongrois est envoyé par avion à Berlin. Mais le père ? J'y viens. Au moment même où Skorzeny enlève le père annonce qu'il vient de conclure un accord préliminaire avec l'URSS et qu'il met fin aux hostilités. Aussitôt, le sang de Skorzeny ne fait qu'un tour. Ça ne vous ressemble pas, cette façon de parler ? Non. Mais c'est celle de Skorzeny. Je comprends. Donc, Skorzeny, n'écoutant que son courage, décide de s'emparer de Horthy, quels que soient les risques. Et par la ruse, à la tête d'une petite unité allemande, il parvient à s'introduire dans la citadelle du Mont du Château, où réside l'amiral. Mais, malheureusement, Horthy a déjà trouvé refuge chez l'un de ses amis, un général SS. Trop tard, donc. Eh oui, trop tard. Mais je dois la vérité de dire que Horthy sera plus tard envoyé en Allemagne et remplacé à la tête de la Hongrie par un homme dévoué à Hitler. Et l'armée hongroise combattra les forces soviétiques jusqu'à la fin. Ouais. Donc, cette mission-là de Skorzeny, c'est pas tout à fait un échec, alors. C'est juste. Ouais. Bon, alors, vous m'avez parlé d'une deuxième mission. Ouais. L'opération Greffe. Greffe, de quoi s'agit-il ? Greffe, en allemand, c'est le nom d'un oiseau fabuleux. Mais ça veut dire aussi coup de main. On est alors en décembre 1944. La France est libérée. Mais les troupes allemandes, dirigées par von Rundstedt, vont se lancer dans une redoutable contre-offensive. Oui, c'est la bataille des Ardennes. Oui. Ouais. Et le rôle de Skorzeny dans cette affaire ? L'opération Greffe consiste à agir derrière les lignes alliées afin d'y semer le désordre. Les hommes de Skorzeny revêtent des uniformes américains. Ils sont équipés de matériel américain, roulent dans des véhicules américains et doivent incendier des dépôts d'essence, couper des lignes téléphoniques, déplacer des poteaux indicateurs, s'emparer des ponts, etc. Sans parachute, j'y mets. Oui, pour la plupart, oui. À noter que certains sont français, des miliciens, souvent. Et est-ce que ces hommes vont réussir réellement à désorganiser les lignes alliées ? Dans une certaine mesure, oui. Soudain, à l'ouest, on se met à se méfier de tout le monde. On voit des traîtres infiltrés partout et des officiers pourtant capables de présenter des papiers parfaitement en règle sont interrogés pendant des heures. Mais surtout, la rumeur court que certains de ces parachutés ont pour mission de tuer des généraux, dont le plus important d'entre eux, Eisenhower. Ça a cru la panique, ça. Évidemment. Et la désorganisation parce que les mesures de sécurité ont grossi démesurément. Mais ça n'a duré qu'un temps, quelques jours. Et finalement, l'opération Greffe s'est traduite par un échec. Et d'abord parce que la contre-offensive de von Rundstedt est repoussée par les alliés. Mais aussi parce que beaucoup des hommes parachutés derrière les lignes sont capturés alors même qu'ils viennent d'atterrir. Certains sont d'ailleurs fusillés sur le champ. Et pourquoi on les fusille, là ? Parce qu'ils portaient des uniformes usurpés. Ah oui, c'est en temps de guerre, selon la convention de la haie, on n'a pas le droit de revêtir un uniforme étranger. Bon, que voulez-vous ? La guerre est un jeu. Un jeu mortel. Mais qui a ses règles, comme tous les jeux. Et celui qui ne les respecte pas est considéré comme un tricheur. Mais alors, Skorzeny lui-même ? Lui, il commande, c'est-à-dire qu'il reste à l'arrière. Ah oui, prudemment en arrière. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, mais que vous avez quand même suggéré. Hein. Alors, comment se termine la guerre pour Skorzeny ? L'échec de Greffe ne lui retire pas, semble-t-il, les faveurs du Führer. Il participe à plusieurs opérations désespérées, comme le parachutage de Russes anticommunistes derrière les lignes soviétiques, des Russes qui devaient créer une véritable organisation d'espionnage dans les territoires libérés. Il est même chargé de jeter un œil sur la conception et la fabrication des armes secrètes allemandes. Les V1, les V2 Oui, en tout cas ce qu'il a déclaré plus tard. Toujours pour soigner sa légende ? Vraisemblablement, car Skorzeny a compris depuis longtemps que Hitler avait perdu la guerre. Et déjà, il prépare ses arrières. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il sait que les alliés occidentaux, dès la fin de la guerre, s'intéresseront en priorité aux nazis susceptibles de connaître des secrets et d'avoir une sérieuse expérience dans la lutte contre les communistes. Oui, afin de s'assurer leur collaboration. Bien sûr. C'est pour cette raison que Skorzeny a habilement placé ses pions. Les armes secrètes et les menées anticommunistes aux côtés d'un fameux général Gehlen, le futur patron du contre-espionnage dans l'Allemagne de l'après-guerre. Un homme indispensable. C'est à peu près ça, oui. Et il va réussir ? Oui. Le colonel de la Waffen-SS, car il a été nommé colonel juste avant la fin, Otto Skorzeny va s'en sortir. Et fort de ses connaissances et auréolé de sa légende, il va mener une seconde carrière assez mystérieuse, ma foi. Vous ne voulez pas être un petit peu plus précis, quand même ? C'est une longue histoire, et beaucoup de ses aspects sont encore méconnus. Et il jette une lumière crue et parfaitement inattendue sur ce singulier personnage. Monsieur X m'a donc encore longuement parlé de Skorzeny et m'a fait des révélations assez surprenantes. Je vous propose de diffuser la deuxième partie de notre entretien la semaine prochaine. Un dernier mot. Je voudrais citer ces quelques lignes parues dans le journal Le Monde en 1975 à l'occasion de la mort d'Otto Skorzeny. L'ancien ingénieur autrichien devenu colonel SS en 2 ans n'en était pas moins un aventurier de grande classe, même s'il s'est donné dans son livre La guerre secrète, paru chez Albin Michel, un rôle et une connaissance des grands problèmes de la guerre manifestement excessifs. Il n'en fut pas moins un remarquable chef de commando. Homme de main, il ne fut pas, du moins, aucune preuve décisive n'a été apportée, un exécuteur des basses œuvres. Aventurier, ayant en couleur ce reître en uniforme noir, serviteur totalement dévoué du nazisme et de son chef, en a accepté et approuvé sans scrupule les infamies. S'il a cherché avec une sorte de légèreté cynique à les minimiser 30 ans plus tard, ce ne fut pas poussé par le remords, mais pour regretter que la trahison de certains responsables haut placés comme l'amiral Canaris ait conduit à sa perte le Troisième Reich. Avec Skorzeny, disparaît un champion d'une conception du monde où la force brutale est une fin en soi, à peine masqué par une idéologie dont lui-même assurait qu'il se souciait peu. Tout à fait autre chose. Avant les vacances, M. X, à propos de l'un de ces complots qui ont émaillé les débuts de la 4e République, a évoqué la personnalité d'un officier, le commandant Loustano Lacco, dont on a souvent dit qu'il avait été mêlé au milieu cagoulard avant de devenir un authentique résistant. Sa fille, Madame Virmou, m'a écrit. Elle précise que son père n'a jamais comparu en correctionnel avec les comploteurs du plan bleu. Elle ajoute que dans l'affaire de la cagoule, jugée après la guerre, le commandant Loustano Lacco a bénéficié d'un non-lieu et qu'enfin, en 1955, il a été promu général alors que Pierre Mendès-France était aux affaires. À samedi prochain, je rappelle que vous pouvez me demander des informations complémentaires et m'apporter vous-même des renseignements via Internet, l'adresse peno@radiofrance.francenet.fr.